Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, le mardi 17 novembre dernier, à 17h, je me rendais au 9 rue Allard à Saint-Mandé, au siège de la société PGE, dirigée par Yvan Gignoux, l'imprimeur historique du Parti Socialiste. Nous avions décidé avec l'équipe de RTV et sur la base d'informations que nous avions obtenues d'interviewer les principaux imprimeurs des partis politiques, Monsieur Caron, imprimeur de l'UMP, Monsieur Châtillon, imprimeur du FN, ainsi que Monsieur Gignoux. Nous souhaitions mettre en relief leurs méthodes de travail et comprendre le fonctionnement assez opaque, disons-le, de leurs activités. J'avais donc obtenu un rendez-vous en bonne et due forme avec Monsieur Gignoux, mais avec un pseudonyme et en tant qu'étudiant. J'étais censé réaliser un rapport vidéo sur la communication politique. L'entretien ne s'est pas déroulé comme prévu, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour parler de cela, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Est également présent avec nous Maître Drissi, avocat d'Alain Soral et de l'association Égalité et Réconciliation, entre autres. Bonjour Vincent. Maître, bonjour. Nous accueillons également Julien, directeur commercial des éditions Contre Culture et secrétaire national d'Égalité et Réconciliation. Julien, bonjour. Bonjour à tous. Et chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour. Chers auditeurs et chers invités, ce que je vous propose, c'est que je vous raconte succinctement ce qui s'est passé mardi soir dernier. Je vous rappelle que la plainte que j'ai déposée à la police a été publiée sur le site d'Égalité et Réconciliation et reprend en détail tous les éléments de ce qu'on peut qualifier, maître, je parle sous votre contrôle, ouais, de séquestration avec violence. Tout à fait. Je me rends donc à 17h rue Allard, accompagné d'une camarade d'Égalité et Réconciliation. Une femme nous reçoit et nous dit de revenir à 18h30. Nous revenons. Cette fois-ci, c'est un homme qui nous reçoit, très cordialement d'ailleurs, et nous attendons là 10 minutes l'arrivée de Monsieur Gignoux. Donc, quelques remarques sur les locaux de la société PGE. Donc, cette société se trouve à l'intérieur d'un garage de voitures qui accueille la collection personnelle de Monsieur Gignoux, donc 10 à 15 Citroën de collection, qu'on m'accusera par la suite d'avoir voulu voler. Les locaux se situent à gauche de ce garage. Et lorsqu'on s'attend, comme moi, à trouver une imprimerie, mon père était imprimeur, donc je sais ce qu'est une imprimerie, on est un peu surpris, on a là 3 bureaux, quelques ordinateurs, ça ressemble à une coquille vide. Julien, est-ce que tu peux nous parler de cette société PGE ? Oui, tout à fait. Les productions graphiques européennes, c'est l'intitulé exact, donc ont été créées par Yvan Gignoux. Aujourd'hui, il assure la présidence du conseil de surveillance, tout simplement, c'est sa femme Clémente Gignoux qui a donc repris la direction générale unique de l'entreprise. C'est une entreprise qui est venue donc à la suite, je crois, d'Avenir Graphique, qui était l'ancienne entreprise d'Yvan Gignoux et qui assure la transition donc de tout le travail entre guillemets d'imprimerie pour le Parti Socialiste depuis maintenant très longtemps. Je pense que Xavier reviendra là-dessus un peu plus tard. Cette entreprise est intéressante à plus d'un titre, déjà par son importance, notamment lors des principales échéances électorales. Donc je pourrais vous parler notamment de la comparaison entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et son compte de résultat en 2011 et en 2012. C'est assez intéressant parce qu'en 2011, c'est une année assez courte du point de vue des échéances électorales. Il n'y a eu que des cantonales et des sénatoriales, alors qu'en 2012, il y a eu la présidentielle. Je vais juste vous faire un petit topo tout à l'heure. Pour revenir rapidement sur l'entreprise, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est enregistrée à l'INSEE, donc dans la catégorie « autre imprimerie », qui est donc une mention pour catégoriser l'entreprise du point de vue de son activité. Or, si on s'intéresse notamment aux publications qui ont été... Là, j'ai une publication du Parisien, par exemple, en date de 2012. Mm-hmm. Justement, le Parisien faisait une enquête sur les élections présidentielles. Et donc, Monsieur Yvan Gignoux avait répondu aux journalistes qui l'interrogeaient à propos de son entreprise. J'avais une très grosse imprimerie à Marne-la-Vallée par le passé. Donc là, je présume qu'il s'agit dans son ancienne entreprise Avenir Graphique, avec jusqu'à 700 ouvriers. Mais je l'ai revendu, raconte Yvan Gignoux, 74 ans. J'ai ensuite créé une plus petite structure en 1993. Donc là, il parle de production graphique européenne. C'est une petite société de conseil et de sous-traitance qui tourne d'habitude sans moi. Mais les hommes politiques me font confiance, j'ai l'habitude des campagnes. Et ce qui est très intéressant, c'est que il vient rajouter, nous appuyons sur des volontaires du mouvement des jeunes socialistes, donc on présume des bénévoles, qui surveillent les impressions des 55 millions de professions de foi. Il faut se rendre compte de ce que c'est en 2012, 55 millions, simplement pour les professions de foi qui sont envoyées par courrier aux électeurs. Chez 8 imprimeurs, donc il a 8 sous-traitants qui travaillent pour lui. Et ça, donc ça, c'est Saïd Bourdi, qui est donc l'assistant en communication de Monsieur Gignoux, qui a son entreprise de conseil en communication, qui travaille apparemment exclusivement pour le Parti Socialiste, ou en grande partie pour eux, et qui est, c'est intéressant, hébergé à la même adresse que l'entreprise PGE, Production Graphique Européenne d'Yvan Gignoux, c'est-à-dire donc à l'adresse de Saint-Mandé où tu t'es rendu. Je crois que tu reviendras sur cette personne par la suite, c'est intéressant. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment une très très grosse entreprise, parce que quand on est amené à gérer une élection donc présidentielle comme il l'a fait en 2012, cette entreprise passe donc à cette occasion d'un chiffre d'affaires en 2011 assez réduit pour son activité habituelle de 1 820 000 euros. Et donc, elle passe à un chiffre d'affaires en 2012 de 8 395 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des différences de volume que doivent gérer les sous-traitants, donc les 8 imprimeurs qui travaillent pour ce monsieur. C'est une variation, pour vous donner un ordre d'idée, de 360% du chiffre d'affaires en l'espace d'un an. Je ne vais pas vous saouler de chiffres, mais ce qui est très intéressant avec cette entreprise, c'est que le chiffre d'affaires est assez logiquement supérieur d'une année sur l'autre à cause de la dimension de l'élection présidentielle de 2012. Mais le résultat net de l'entreprise, lui, ne croît pas de 360% à l'occasion de cette année-là, il croît de 16 400%. Voilà. D'accord, ce sont des marges considérables. Des marges considérables, tout à fait, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, moi, ce que je pouvais un petit peu te donner comme information. D'accord. C'est-à-dire, si on fait un résumé, c'est un imprimeur sans machine d'imprimerie, donc en fait c'est un intermédiaire, un prestataire, et il fait un très gros chiffre quand il y a des grosses élections, donc son activité est vraiment liée aux élections et au Parti Socialiste, et ses marges sont gigantesques. Alors qu'en plus, quand tu te rends dans les locaux, il y a 3 bureaux, c'est une collection de voitures, voilà. Ok, donc c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas que tu t'intéresses de trop près au fonctionnement de son système, quoi. Donc là, avec ma camarade, on attend Monsieur Gignoux. Il arrive accompagné d'un homme qu'il nous présente comme étant le capitaine. Donc il a dit un nom, et je m'en souviens plus malheureusement. Donc le capitaine, il l'appelle ostensiblement le capitaine. On l'accompagne dans son bureau où se trouve un troisième homme. Il nous présente comme étant son chargé de communication, donc cet homme c'est monsieur Saïd Bourdi, tu en as parlé tout à l'heure Julien. On s'assoit devant monsieur Gignoux et monsieur Bourdi, et derrière nous le capitaine. Avant même qu'on puisse dire quoi que ce soit, c'est monsieur Bourdi qui prend la parole, c'est essentiellement lui qui va prendre la parole au cours de cet interrogatoire. Il nous dit, Vincent Lapierre c'est qui? Donc moi j'étais venu avec un pseudonyme, j'étais venu en tant qu'étudiant, et apparemment il savait qui j'étais avant même que j'entre dans son bureau. Donc maître, là, se pose une question, est-ce que ce que j'ai fait est légal? Essayer d'obtenir une interview avec un homme sous pseudonyme, et est-ce que, étant donné qu'il savait qui j'étais avant même que je rentre dans les locaux, on peut pas parler de piège? Est-ce qu'il y a une préméditation dans ce qu'il a fait? Bah écoutez, à ce stade, je pense qu'un journaliste qui utilise un alias, c'est en aucun cas illégal. Un journaliste, dans le cadre de ses activités, fait des investigations, et effectivement, s'il se présente sous sa réelle identité, on peut... facilement comprendre que ces investigations ne mèneront à rien. Donc, qui se présente sous un alias, c'est n'a pas une usurpation d'identité, c'est normal, c'est dans le cadre de son activité professionnelle. En ce qui concerne l'éventuelle préméditation, effectivement, on peut s'interroger sur le fait que si à partir du moment où vous vous présentez dans ses bureaux, il connaît votre identité, c'est qu'il s'est un minimum renseigné avant. Comment, ça reste un mystère, et ça sera vraisemblablement déterminé dans le cadre de l'enquête, puisqu'un dépôt de plainte a été... fait, et donc là on aura plus d'éléments. Mais effectivement, d'une part, utiliser un alias pour un journaliste, ça n'est pas une infraction pénale, ça n'est pas une usurpation d'identité, et d'autre part, effectivement, on peut raisonnablement penser que les faits tels que vous les avez exposés tout à l'heure il y a vraisemblablement une préméditation de la part de ces gens-là. Ok, alors à partir de là, monsieur Saïd Bourdi me donne deux options. Il me dit, soit tu parles et tu nous dis qui t'envoie et pourquoi on t'envoie, et à ce moment-là, tout va bien se passer, on te laisse sortir, tu seras libre. Soit j'appelle la police, tu repars menotter, tu feras 5 heures de garde à vue, et à la fin desquelles, je saurai quand même qui t'envoie, puisque je suis proche de la police. Donc il se targuait d'avoir des connexions avec des hautes sphères policières. D'ailleurs, il appelait ostensiblement devant moi un commissaire, soi-disant. Alors je ne sais pas si l'appel était vrai ou faux, mais en tout cas, pour me menacer, pour mettre la pression psychologique, il me disait que lui-même, d'ailleurs, travaillait dans le renseignement, qu'il avait obtenu toutes ces informations sur moi par ses méthodes de renseignement dont il se targuait d'avoir. Et donc, ils m'ont mis la pression psychologique pendant... Donc, l'entretien a duré 40 minutes. À un moment donné, Monsieur Gignoux prend la parole et me dit, voyant que je répondais pas, que je leur disais que je voulais pas leur parler, que je parlerais à la police, il me dit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'ai des contacts à l'Élysée, je suis même proche du président de la République, Xavier. Ce Monsieur Gignoux, qui c'est ? Oui, Vincent, le nom d'Yvan Gignoux est inconnu de la plupart des auditeurs, des lecteurs du site Égalité et Réconciliation et des Français en général. Pourtant, cet homme richissime fréquente le Gotha du Parti Socialiste depuis au moins 35 ans. Pour expliquer rapidement, c'est un prestataire de service du PS qui imprime la propagande du parti lors des campagnes électorales de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Lionel Jospin. Tous ont fait appel à lui et à ses sociétés Avenir Graphique jusqu'en 1993, 6 à Torcy, en Seine-et-Marne, puis PGE à Saint-Mandé, où tu t'es rendu, Vincent. Quand les socialistes sont au pouvoir, à l'échelon local comme national, les services de Gignoux sont également sollicités, ce qui a donné lieu à de nombreuses affaires qui n'ont étrangement pas trouvé de débouchés judiciaires. J'ai sous les yeux deux coupures de presse qui détaillent les pratiques d'Yvan Gignoux. La première date du 10 avril 1985. On peut y lire. Un imprimeur dans les petits papiers du PS. Il y avait deux repreneurs possibles pour la direction des Héliogravures de France. Imprimerie ultra-moderne et néanmoins en pleine panade. À la surprise générale, le tribunal de commerce vient de désigner celui que les professionnels du secteur attendaient le moins. C'est Yvan Gignoux, sémillant PDG d'Avenir Graphique, une importante imprimerie installée à Torcy en Seine-et-Marne. En fait, ce Gignoux est le principal imprimeur du PS dont il confectionne les affiches, les circulaires, les bulletins municipaux. Il est à tu et à toi avec de nombreux ministres et forcément, ça aide. Sa désignation pour héliogravure n'a pas été acquise sans mal. Le tribunal de commerce de Compiègne, comme s'il se faisait tirer l'oreille, a réfléchi pendant de longs mois avant de rendre un avis sur un dossier suivi de bout en bout par Pierre Bérégovoy en personne et pour lequel Alain Boublil, conseiller présidentiel pour les affaires industrielles, a mis également son grain de sel. Au départ, il n'y avait en principe qu'un candidat en piste, Serge François, haut de gros de la profession. Son plan, élaboré avec l'appui des syndicats, était même fort bien vu des pouvoirs publics. Mais voilà qu'en octobre 1984, à la surprise des initiés, on commence à parler de Gignoux pour reprendre héliogravure. Il était bien connu dans la maison, puisqu'il en a déjà été le patron. En janvier 1982, en effet, Gignoux avait repris héliogravure déjà en pleine difficulté 23 mois plus tard. En novembre 1983, il était quasiment flanqué à la porte par l'ensemble de son personnel, lequel trouvait insupportable ses méthodes de direction et le jugeait incapable de ramener des clients. Furieux, Gignoux avait mis la clé sous le paillasson et porté plainte contre 237 de ses employés en les accusant de sabotage. Le 12 décembre 1983, il écrivait au président du tribunal de commerce qui avait maintenant l'usine sous les bras « Je tiens à préciser qu'en aucun cas, je n'interviendrai à nouveau, à aucun moment dans cette entreprise, quel que soit le contexte, les pressions et les propositions qui pourraient m'être faites ou qui m'ont été faites. » Un an passe et voilà à nouveau Gignoux prêt à jouer les sauveteurs. L'État vient même de lui allonger 3 millions de francs pour l'aider dans ses premiers pas. Gignoux est un habitué de la sollicitude des pouvoirs publics. Lorsqu'en 1982, pour la première fois, il avait repris héliogravure, il avait reçu de l'État une très jolie dot, environ 85 millions de francs, destinée à lui permettre de moderniser sa nouvelle acquisition. D'importants investissements avaient été réalisés et l'imprimerie était devenue techniquement tout ce qu'il y a de plus performant. Toutefois, au passage, Yvan Gignoux, PDG d'Héliogravure, avait opéré sur ces sommes un petit emprunt au profit de Gignoux. Yvan, PDG d'Avenir Graphique. Pratique qui, avec quelques autres dans diverses imprimeries, avait déclenché une enquête du contrôle d'État pour savoir à quoi servait l'argent prêté pour restructurer la profession. On ignore les résultats de cette enquête, bouclée depuis plusieurs mois et dont les conclusions sont pieusement conservées dans un coffre-fort du ministère des Finances. Alors voilà un deuxième papier qui date du Figaro, qui date du 3 février 1993. La commission de Bruxelles a jugé recevable la plainte de ses concurrents. Question sur l'ex-imprimeur du PS. Pourquoi les banques nationalisées, le fisc et les organismes sociaux ont-ils été si arrangeants avec les créances d'Yvan Gignoux ? Depuis la mi-novembre, la direction générale 4 de la commission des communautés européennes est saisie d'un dossier susceptible d'embarrasser à court terme le ministre de l'économie et des finances. Soulevé par 7 des plus gros imprimeurs français, l'affaire sur fonds d'amitié politique, de mystères comptables et d'étrange générosité bancaire met en cause la gestion et les sauvetages successifs de la société Avenir Graphique. Dirigée pendant 29 ans et jusqu'en juin dernier par Yvan Gignoux, l'imprimerie de Torcy aurait fait l'objet d'une mansuétude sans précédent de la part des pouvoirs publics. Détail à l'appui, la commission de Bruxelles a jugé recevable la plainte des imprimeurs et s'apprête, dans un premier temps, à demander des explications aux autorités françaises. Les démêlés d'Avenir Graphique avec ses concurrents nationaux ne sont pas nouveaux. Réduit pendant les années 80 à quelques escarmouches, il débouche pour la première fois sur une procédure judiciaire dont la portée est bien difficile à mesurer. Les plaignants, qui s'expriment au nom de la puissante Fédération française des imprimeries et des industries graphiques, FFIG, estiment que le complexe de Torcy aurait bénéficié tour à tour d'aides directes de nombreux prêts émanant de banques nationalisées et d'étonnantes facilités consenties par le Trésor public et l'URSSAF. Les chiffres relevés sont importants. Au début de l'été 1991, alors qu'Avenir Graphique connaît de graves difficultés, trois banques nationalisées, Crédit Lyonnais, BNP, Hervé, entrent en force dans son capital. Elles souscrivent pour 140 millions d'obligations convertibles, remboursables sur 11 ans. Ce plan de sauvetage est un échec. Fin 91, l'imprimerie de Torcy accuse 210 millions de francs de pertes pour 334 millions de chiffre d'affaires. Selon la FFIG, les banques, fait inhabituel, auraient abandonné le recouvrement des 140 millions et consenti à de nouveaux prêts lors de la reprise en juillet dernier d'Avenir Graphique par le groupe Jacques Lopez. Même constat pour les créances fiscales, au moins deux d'entre elles, l'une de 2 918 754 francs, l'autre de 17 546 071 francs, auraient été reportées indéfiniment. L'URSSAF et les caisses de prévoyance sont enfin évoquées. Nul ne paraît pouvoir expliquer à la lecture de la comptabilité comment Avenir Graphique a réussi à régler début 1992 les deux organismes à hauteur respective de 4 914 854 francs et 6 924 271 francs. Le mutisme des pouvoirs publics n'a fait qu'accroître au fil des années le mystère sur la gestion de l'imprimerie de Torcy. Les lettres adressées par les professionnels en 1984, 1985 et 1988 à propos d'Avenir Graphique sont demeurées sans réponse. Celle envoyée le 6 janvier 1992 par le président de la FFIG et interrogeant notamment Dominique Strauss-Kahn, ministre délégué à l'industrie, sur le traitement de faveur accordé à Avenir Graphique, ont subi le même sort. Pour certains, l'explication réside dans les liens étroits, voire amicaux, noués par l'ex-PDG d'Avenir Graphique avec les responsables socialistes. Yvan Gignoux comptait effectivement parmi les imprimeurs privilégiés du PS, travaillant notamment dans le cadre des campagnes électorales. Il avait également obtenu des marchés concernant l'impression de documents diffusés par certains ministères. Le 18 novembre dernier, le député PR Gérard Longuet adressait une question écrite au Premier ministre Pierre Bérégovoy, souhaitant connaître les motifs justifiant un tel soutien à une société fondée et dirigée jusqu'à tout récemment par Yvan Gignoux, proche du PS. La question, pour l'instant, est restée sans réponse. Donc là, nous sommes en 1993 et nous pouvons voir que ces pratiques ont certainement continué jusqu'à récemment puisque la société PGE, donc, qui a succédé à Avenir Graphique en 1993, donc la société PGE sise à Saint-Mandé de Yvan Gignoux, a opéré lors de la campagne présidentielle de 2012. Donc on comprend mieux comment Yvan Gignoux a pu acquérir une magnifique collection de voitures anciennes, donc au moins 30 modèles rares de Citroën, mais aussi quelques Rolls-Royce. Voilà. D'accord, donc en fait ils utilisent avec moi d'ailleurs des méthodes de mafieux, enfin ils ont voulu jouer aux mafieux le temps d'une soirée. Alors moi je m'étonne de quelque chose, c'est que ils prétendent être professionnels et... Pourtant, ils font une erreur vraiment de débutant, c'est qu'ils laissent partir ma camarade qui immédiatement vous a appelé, Maître Drissi, c'est ça ? Tout à fait, moi j'ai été prévenu en fin d'après-midi, début de soirée. que vous étiez retenu. Donc, dès que j'en ai été informé, j'ai essayé de prendre attache avec les fonctionnaires de police qui étaient dans la zone. Donc, le numéro que j'ai trouvé, c'était la police municipale qui m'a donné les coordonnées de la police nationale. Donc, je les ai appelés, je leur ai expliqué que vous étiez retenu contre votre gré au sein de cette imprimerie. Ils m'ont pas donné de détails. J'essaie de poser des questions, mais l'officier de police ne m'a pas donné de détails particuliers. Il m'a simplement dit qu'il s'était rendu sur place et que vous étiez pris en charge. Donc, moi, ça m'a rassuré. Et j'ai su après que vous aviez été libéré, mais que votre mésaventure avait quand même duré un peu longtemps. Donc, une fois que est parti, les pressions augmentent. À un moment donné, Monsieur Saïd Bourdi me dit : nous sommes tous les trois de la même loge maçonnique. On a les moyens de détruire ta vie. Xavier, est-ce que tu as des informations sur ce point précis ? Écoutez, c'est pas si étonnant que ça, puisque le Grand Orient de France est un peu la matrice du Parti Socialiste. Écoute, c'est des menaces, au moins, qui ont le mérite d'être claires. Comme l'avait dit Vincent Payon, l'Église catholique a été remplacée par la franc-maçonnerie, donc c'est pas étonnant que les affaires courantes qui se réglaient avant le dimanche matin sur le pas de l'Église se règlent maintenant en loge. Voilà. Alain Soral, un commentaire ? Quand j'entends ce que je connaissais pas effectivement le passif effectivement des sociétés de Monsieur Gignoux, ce que je vois moi, parce que je m'explique mal qu'un vieux monsieur comme ça soit aussi agressif et même maladroit avec toi, parce que s'il voulait, ce qu'il aurait dû faire, c'est refuser l'interview, sachant qui tu étais. Alors en fait, il a voulu te menacer pour t'empêcher en fait d'enquêter sur lui. Et je comprends mieux pourquoi quand je vois effectivement, on va pas appeler le passé, mais le passif de ce monsieur et de ses sociétés. Et là, c'est là que je vais raccorder avec pour que les gens comprennent, c'est que nous, on voulait effectivement comparer la manière de procéder de ces prestataires pour le PS, pour l'ex-UMP et pour le Front National. Et ça, c'est à raccorder effectivement à ce qui est reproché en ce moment aux prestataires Front National, notamment à notre ami Chatillon, qui est poursuivi par la justice, soi-disant pour escroquerie, et à un point tel qu'il est obligé de quitter la France et de vivre en Italie pour ne pas subir des perquisitions avec sa famille le matin, etc. Alors on creusera un peu plus tard, mais si Monsieur Chatillon a été mis en examen à ce moment-là, effectivement, Monsieur Gignoux, par exemple, devrait même être carrément en prison, quoi. Et c'est sans doute pour ça qu'il voulait pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais il nous permet de le faire par son incroyable maladresse qui va d'ailleurs jusqu'à l'illégalité. Hein, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il t'a menacé, séquestré, menacé, je crois même il t'a fait frapper. J'en parlais. Pour que tu ne puisses pas découvrir ce que notre ami Xavier nous a fait savoir tout à l'heure et que nous ignorions au moment où on a décidé de mener cette enquête globale. Hein. Alors effectivement, Alain Soral, vous en parliez, Monsieur Gignoux à un moment donné se lève de son bureau, voyant que je ne parle pas, et il va derrière moi et me frappe à la tête en me criant « parle ». Donc, Maître Drissi, qu'est-ce qu'encourt Monsieur Gignoux ? Est-ce que si Égalité et Réconciliation avait fait ce qu'ils m'ont fait, c'est-à-dire si quand on a reçu les journalistes d'Arte ou de Envoyé Spécial, on les avait retenus contre leur gré et on les avait frappés, qu'est-ce qu'on aurait encouru ? Bah là, je pense qu'l'association aurait eu de sérieux problèmes avec la justice. De ce que je retiens des faits que vous avez exposés, bon, il y a déjà une séquestration, il y a des coups et blessures volontaires, il y a une certaine préméditation, parce que tout ceci semble avoir été organisé, puis il y a aussi une réunion. Donc tout ça, ça aggrave sensiblement les chefs de prévention, et je pense que si on fait le total des infractions qui sont reprochées à ce stade, en termes de qualification, on est sur, à mon sens, une qualification criminelle. Donc on a déposé une plainte, je vais transmettre cette plainte au procureur de la République. Le procureur de la République aura 3 mois pour diligenter une enquête, et s'il ne le fait pas, on se constituera partie civile, et c'est un juge d'instruction qui fera l'enquête et qui sera chargé de déterminer les responsabilités des uns et des autres et de qualifier les faits et de renvoyer éventuellement les responsables devant le tribunal ou devant la cour d'assises. Si je peux me permettre, je voudrais juste en profiter pour revenir sur une affaire préalable que n'a pas cité Xavier. En 2000, Donc Yvan Jignot a été s'est présenté devant le tribunal aux côtés de Gilles Catoire, qui était à l'époque maire de la ville de Clichy dans les Hauts-de-Seine, autour d'une sombre affaire de surfacturation de frais d'imprimerie qui tournait autour de l'organe d'information municipale qui s'appelait Clichy Magazine, qui était un périodique de la ville de Clichy, et le journal socialiste de la ville, c'est-à-dire le Parti socialiste, avait aussi un périodique pour les villes de Clichy et de Levallois. Et donc Gilles Catoire, avec la généreuse complicité de l'imprimeur, donc là je cite l'article du Parisien de l'époque, également prévenu, donc Yvan Jignoux, et contre lesquels les mêmes peines ont été requises. Il s'agissait en l'occurrence de 12 mois avec sursis requis contre le maire et donc contre Yvan Jignoux, ainsi qu'un an d'inéligibilité et 50 000 francs d'amende pour chacun, aurait organisé un habile système de vases communicants entre les deux journaux afin de faire supporter par la ville le coût du magazine politique pour un montant total qui avoisinerait les 2 millions de francs. Le montant prohibitif d'une part de certaines factures d'Avenir Graphique, dont a parlé Xavier, la société d'Yvan Jignoux de l'époque, qui faisait parfois payer à la ville de Clichy le double du papier utilisé. Les pénalités de retard d'autre part, baptisées correction d'auteur, qui se chiffraient en dizaines de milliers de francs. Des opérations blanches pour l'imprimeur, mais qui permettaient de minorer les frais relatifs au journal du PS local. En fait, il y a deux affaires en fait maintenant qui se combinent. Il y a une affaire d'agression et de séquestration sur toi, et puis derrière il y a le pourquoi de cette violence de ce monsieur. Et puis ce qu'on découvre maintenant, parce qu'à l'époque on allait à la pêche, c'est qu'en réalité il a ce monsieur a un lourd passif. Et c'est peut-être ça qui lie son espèce d'agacement, sa violence et même son inquiétude, c'est qu'effectivement... C'est que ça fait 40 ans que ça dure. Oui, et puis qu'il y a vraiment des choses à trouver, quoi. Hein. Et puis surtout, c'est là où on va raccorder avec ce qui nous motivait au début, c'est sans proportion avec ce qui est reproché à l'imprimeur prestataire du Front National. Hein. Sans proportion. Hein. Alors, ils avaient effectivement très peur de que j'ai filmé quelque chose ou enregistré la conversation, puisqu'à un moment donné, il me crie de lui montrer mon portable, ce à quoi je refuse de faire, ce que je refuse de faire, et donc devant leur pression manifeste, je finis par lui montrer les dernières photos que j'ai sur mon portable, puisque je n'en avais pas prises, et le dictaphone, j'avais rien enregistré. Et là, Monsieur Jignoux cherche à me prendre mon portable des mains. Donc là, il y a une mini-lutte qui s'instaure entre nous. Après quoi, je mets c'est un vieux monsieur, hein, c'est un monsieur de 80 ans. Moi, la peur que j'avais, c'était qu'il fasse un arrêt cardiaque avec moi dans les bureaux et qu'après, on mette sa mort sur le dos. Donc, je m'assois sur mon téléphone. Et donc, à un moment donné, le chargé de communication de Monsieur Jignoux me dit, tu vois, on a tout enregistré. On a enregistré tout ce qu'on vient de faire, là, toute cette conversation qu'on a eue. Je l'ai enregistré et on va détruire ta vie parce qu'on va mettre ça sur YouTube. On va sortir un article dans le Canard Enchaîné, dans lequel j'ai des contacts, me dit-il. Dans deux jours, dès qu'on tapera ton nom sur Google, on verra que t'es un espion, que t'es une merde, quoi, en gros. Maître Drissi, tout ça, ces menaces-là, c'est... C'est des menaces déjà en tant que telles, mais surtout, je comprends pas très bien la stratégie, puisque diffuser cet enregistrement, c'est une forme d'aveu. C'est avouer que vous avez été séquestré de manière indue, c'est avouer qu'on vous a retenu dans des locaux alors qu'on n'avait ni autorisation ni aucun titre pour le faire. La réaction normale, comme l'a relevé tout à l'heure Monsieur Soral, c'est que si vous recevez un journaliste qui se présente sous un alias et que vous le découvrez, la réaction saine, c'est de refuser de le recevoir et lui demander de partir. C'est en aucun cas de le retenir dans les locaux, de le frapper, de le menacer. Donc, quand bien même ils avaient effectivement enregistré tous les échanges qui sont intervenus entre vous, je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il les publie, ça facilitera l'enquête du procureur et du juge d'instruction. Donc, je comprends pas très bien la stratégie qui consiste à vous menacer de ce point de vue-là. Et en tout état de cause, les menaces en elles-mêmes sont, elles, condamnables en revanche. Bien sûr. Et la séquestration est avérée, puisqu'à un moment donné, je me lève On vous a empêché de partir, c'est ça ? Bien sûr, on m'a empêché physiquement de partir. C'est-à-dire que, parce que pour se protéger, sachant que c'était filmé, le chargé de communication me disait « Mais tu sais, on te retient pas, hein, tu peux partir. » Du coup, à un moment donné, je le prends au mot, je me lève, je dis « Ok, je pars. » Et là, le capitaine qui était derrière nous et qui n'a rien dit de toute de tout l'entretien se lève et met sa main à sa ceinture, comme s'il avait un pistolet. D'accord. Que je n'ai pas vu. Hein. Donc là, ok, et Monsieur Gignoux se met devant la porte, physiquement, il était derrière moi, il venait de me porter un coup, il se met devant la porte et me dit « Si, moi, je te retiens ici, tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'auras pas parlé. » Donc là, je me rassois. Bah non, clairement, dans la séquestration pure et simple, puisque la coercition, le fait de retenir quelqu'un dans un endroit, c'est un privilège, c'est une prérogative des forces de police et de personne d'autre. Donc ces personnes sont des personnes privées, ils n'avaient à aucun titre le droit de vous retenir dans les locaux, et le fait qu'ils vous en aient empêché, c'est constitutif d'une infraction. Ok, ensuite, suite à ça, il y a de l'animation derrière moi, en dehors du bureau. Donc là, ils ont l'air de s'agiter. Monsieur Gignoux part, et là, la chargée de communication... Saïd Bourdi plaque une feuille sur la table fortement et frappe du poing sur la table et me dit maintenant tu vas écrire. Quand je dis ça, il criait lui, hein, c'est vraiment et il me dit tu vas écrire tout ce que tu sais, tu vas écrire ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, qui t'envoie, pourquoi, ici là maintenant, tout de suite, et il criait fort. D'accord. Si je veux faire un peu de psychologie, cette attitude est très étrange parce qu'elle est totalement illégale de la part de gens qui sont des adultes censés être responsables, mais en fait quand on voit comment ce monsieur est passé à travers les gouttes depuis des décennies et décennies grâce à ses liens très forts avec le pouvoir socialiste. Je pense qu'il y a chez lui une certitude de l'impunité et une attitude qui correspond à un comportement mafieux. Il se croit intouchable, il se croit tout permis et il a perdu le sens effectivement de ce que c'est que l'état de droit et ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, hein. C'est peut-être comme ça qu'on peut expliquer son attitude pour un homme de 80 ans qui est un grand bourgeois. Ça paraît pratiquement absurde, hein. Donc là, il y a de l'animation en dehors du bureau. Donc Monsieur Gignoux sort, comme je vous l'ai dit. Ensuite, le chargé de communication, Monsieur Saïd Bourdi, sort lui également, me laissant seul avec le capitaine. Donc là, je choisis de sortir, en fait. Je choisis de prendre le risque de sortir. Donc je sors du bureau, je me retrouve dans les locaux, je saisis ma veste, qu'ils ont dû fouiller d'ailleurs abondamment pendant que j'étais dans le bureau. Et là, je me retrouve dans le garage où il y a les voitures de collection. Donc là, Monsieur Gignoux crie à quelqu'un, j'ignore à qui, ferme le garage. Donc en fait, j'étais enfermé dans le garage. Et là, en fait, je saisis mon téléphone. En fait, ils étaient autour de moi. C'était une situation assez étrange parce qu'ils voulaient pas non plus avoir l'air de me retenir totalement, mais en même temps, j'étais retenu en réalité puisque je pouvais pas sortir du garage. Donc ils étaient autour de moi et j'appelle le 112 et je dis à la personne que j'ai au bout du fil, bah écoutez, là il y a des personnes qui me retiennent. L'une d'elles m'a frappé. Ils sont manifestement hostiles. Et là, donc, la personne au bout du fil ne comprenait pas la situation parce qu'elle me disait « Mais si vous êtes séquestré, pourquoi vous pouvez me téléphoner ?» Donc, ça a duré quelques minutes comme ça. Je dis « Si, la situation est compliquée, mais je suis séquestré. » Et là, à un moment donné, je vois la porte du garage qui s'ouvre. Donc, toujours, j'avais le 112. Donc, s'ils enregistrent l'appel, tout ça est prouvable, tout ce que je dis. Donc là, j'essaie de courir vers la porte du garage qui était ouverte momentanément. Et là... le capitaine et le chargé de communication m'en empêchent physiquement. Ils me retiennent, ils m'empêchent de sortir. D'accord. La porte se referme. La communication est toujours établie avec le 112. Et pendant ce temps, Saïd Bourdi me menace. Donc c'est enregistré normalement par l'appel du 112. Il me dit, de toute façon, on va dire que tu es venu faire des repérages pour un cambriolage. Est-ce que ça c'est... Ça me paraît un peu acrobatique. C'est compliqué, sachant qu'il y a les mails, nos échanges par mail qui démontrent que j'ai demandé un rendez-vous, certes, en tant qu'étudiant, mais et qu'ils ont accepté, qu'ils m'ont dit de venir à 17h. C'est bizarre quand même comme... Oui, surtout que... Enfin, l'expérience que j'ai des dossiers de cambriolage que j'ai eu à traiter, les cambrioleurs s'annoncent rarement par mail une semaine avant d'arriver dans les lieux. Donc, ça me paraît un peu acrobatique comme explication et comme système de défense. Et autre chose qu'il me disait souvent, c'est on est en état d'urgence, donc les policiers feront ce qu'ils voudront de toi. Donc, maître Drissi. Alors, la réalité, c'est effectivement que l'état d'urgence donne une très grande latitude aux forces de police, mais pour autant, je même s'il prétend le contraire, je ne crois pas que M. Bourdi ait des liens suffisamment étendus avec la police pour pouvoir faire ce qu'il veut. Il n'est pas policier, il n'est pas préfet de police. Donc là, encore une fois, je m'explique difficilement ses propos. Enfin, je pense qu'il voulait simplement faire pression sur vous et essayer nous forcer à parler. Pourquoi ça reste encore un mystère pour moi, puisque vous étiez un journaliste, vous faites une enquête, vous êtes découvert. La moindre des choses, c'est de vous laisser, de refuser de répondre à vos questions, de vous laisser partir. Il y avait, vous n'avez commis strictement aucune infraction, donc il y avait aucune raison légitime qui pouvait justifier votre séquestration dans leurs locaux, absolument aucune. Alors maître, il faut bien comprendre que moi, quand je suis dans la situation, quand je suis dans le bureau, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, et je ne sais pas à quel point ce qu'ils disent est vrai, parce que moi je savais par ailleurs que monsieur Gignoux était un proche du président de la République. Il emploie des méthodes de mafieux sur moi. Je me dis, en fait, c'est ça la politique de haut niveau, et en fait ils vont me mettre quelque chose sur le dos, je vais sortir, en fait c'est moi qui vais finir en tôle. Vous voyez, parce que moi, j'ai finalement toutes les informations que vous me donnez, moi, je les ai pas quand je suis à l'intérieur. Bien sûr. Je suis face à l'inconnu. C'est normal. Bah, ça faisait. Enfin, je pense que ça faisait partie de leur stratégie de pression, mais juridiquement, il y avait strictement rien contre vous. Et là, en l'occurrence, par contre, je pense qu'on a beaucoup de choses contre eux. Si je peux apporter ma petite expérience, j'ai fait du journalisme d'enquête quand j'étais plus jeune, et j'enquêtais sur Fabius à l'époque du sang contaminé. Et je le suivais même à moto dans ses déplacements, et j'ai été renversé par sa suite, hein, et menacé. Je vais te dire jusqu'où c'est allé, c'est qu'ils m'ont renversé à moto. J'ai enregistré la conversation téléphonique, parce qu'à l'époque je ventousais et j'enregistrais tout. Et je leur ai dit, vous savez ils m'ont dit soit tu lâches, soit tu auras un deuxième accident. Hein, et je leur ai dit, vous savez que j'enregistre tout, et ils ont dit oui, on s'en fout, tu vois. C'est-à-dire que effectivement, on peut avoir peur à certains moments de la collusion entre le politique et le policier. Et je comprends ton angoisse, parce que c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, on se dit que tout ça c'était du bluff, mais ça peut aussi être vrai, puisque moi je me rappelle à l'époque, j'ai été percuté par une voiture de la suite de Fabius à 70 km/h, et je me suis explosé la gueule par terre avec ma BMW, et j'ai pas eu de dégâts matériels graves par chance, hein, voilà. Mais voilà la réalité quand, pour les gens un peu naïfs, effectivement, quand vous embêtez le pouvoir, ça peut effectivement être très chaud. Il y a d'autres précédents connus, l'affaire des Irlandais de Vincennes, où il y a eu des perquisitions, où des armes et des explosifs ont été sciemment posés par les services de police pour accuser des gens qui ne les avaient pas. Donc effectivement, on peut légitimement avoir peur dans ce genre de situation, et craindre qu'on monte un dossier de toutes pièces contre soi. Donc votre inquiétude était légitime. Donc là, j'entends du bruit derrière le garage. Après que le chargé de communication ait proféré ses menaces contre moi, de m'accuser d'avoir voulu faire un cambriolage, j'entends du bruit hors du garage. Donc là, je tambourine à la porte et entre les policiers. Alors moi, le problème que j'ai eu à ce moment-là, c'est qu'en fait, les policiers ne m'ont pas du tout considéré comme la victime potentielle de ce qui venait de se passer. Mmh. C'est-à-dire qu'ils m'ont interrogé, eux aussi, avec véhémence. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Dites-nous tout, maintenant, tout de suite. Donc moi, je leur disais, non, je vais pas parler devant vous, parce que les autres écoutent. Ils me disaient, si, c'est maintenant que ça se passe, je le répéterai pas deux fois, c'est maintenant, vous allez tout nous dire maintenant. Alors là, Maître Drissi, il m'a pas notifié mes droits, il m'a pas expliqué que j'avais le droit de me taire. Comment doit-on réagir face à un policier qui vous oblige à parler, en fait? Je fais une petite remarque, c'est que toi, dans la situation où tu étais, tu pensais que les policiers intervenaient à la demande de Gignoux et de ses comparses. C'est ça. Alors qu'en réalité, ils sont intervenus à la demande de l'avocat. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir. Je ne le savais pas. En réalité, je crois que Gignoux, c'était du bluff, il n'a jamais appelé la police. En réalité, ils ont fait pression sur toi, mais c'est en fait, la police est intervenue à notre demande, hein. Vraisemblablement, oui. Alors là, le problème que j'ai moi de mon côté, c'est que quand je rappelle la police, on me donne aucune indication sur votre statut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes mis en cause, si vous êtes victime, etc. J'essaie d'avoir plus d'informations, on m'en donne pas. On me dit simplement que vous êtes pris en charge. Et donc, de ce point de vue-là, au moins, je suis rassuré. Je sais que vous n'êtes pas aux mains de ces personnes qui vous ont séquestré. Maintenant, la réaction à avoir face à les policiers, moi, en tant qu'avocat, ce que je conseille tout le temps, c'est évidemment, si on est mis en cause, c'est de ne pas parler, c'est d'attendre qu'un avocat arrive et qu'il y ait une audition avec un avocat. C'est ce qui prévoit le code des procédures pénales, et c'est le respect élémentaire des droits de la défense. Maintenant, concrètement, ça s'est passé de la manière que vous avez décrite. Je saurais pas concrètement vous expliquer pourquoi, puisque effectivement, vous êtes dans cette histoire, vous êtes victime, et on vous interroge comme vraisemblablement un mis en cause. Donc je m'interroge aussi sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé. D'autant plus que je vois les relations, les très bonnes, les excellentes relations qu'entretient Monsieur Gignoux avec la police du quartier, puisque je vois la chef des quatre policiers qui sont venus me libérer, théoriquement, alors qu'en fait, moi, je crois qu'ils viennent me prendre pour aller faire une garde à vue, vu leur comportement, et je vois la chef parler très sympathiquement avec Monsieur Gignoux. Gignoux lui met la main sur l'épaule. La policière rit dans la petite conversation qu'ils ont. Et moi, ça, je le vois et je me dis, en fait, c'est moi le coupable. Et tout ce qu'ils m'ont dit est vrai. Et donc, je vais être mis en cause pour avoir, je sais pas, est-ce qu'ils vont me sortir, est-ce qu'ils vont me foutre sur le dos. Donc, vous voyez que la situation à ce moment-là, pour moi, est assez compliquée. D'ailleurs, quand ils m'emmènent au commissariat, encadré, quoi. J'y vais pas les mains dans les poches. Donc, à la confusion s'est ajoutée encore la confusion. Exactement. C'est-à-dire que le comportement des policiers valide le discours. Et la collusion, surtout. La collusion. Le comportement des policiers valide ce que me disait M. Gignoux lors de l'interrogatoire. Mais il est de notoriété publique que la plupart des commissaires de police sont francs-maçons et que l'appartenance à la maçonnerie est indispensable pour devenir commissaire de police. Et puis ils savent qui est Gignoux, puisque c'est voilà. Le même périmètre, c'est une vedette du Parti Socialiste, proche du président de la République, donc un policier est un fonctionnaire, il sait quel est son intérêt, même si après la loi existant, tu peux confirmer que tu n'as pas été mis en garde à vue. Et finalement que tout ça s'est terminé par une main courante, c'est ça ? Effectivement, donc la police judiciaire est arrivée, donc là des policiers de plus haut niveau, donc avec eux déjà on peut discuter. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les policiers de base qui viennent vous chercher, parce que ils comprennent pas forcément ce que je leur dis, c'est des choses qui les dépassent un peu. Donc là avec la police judiciaire par contre là on peut discuter, c'est une conversation posée. Donc là effectivement j'ai pas fait une main courante en fait, j'ai rien signé à ce moment-là. Ils m'ont laissé partir, ils m'ont dit que... Je suis resté quand même 3 heures au commissariat. Hein. Ils m'ont dit que l'affaire allait remonter au procureur de la République qui, vu que c'est l'état d'urgence, doit décider si je dois rester avec eux au commissariat ou si je peux partir. Donc ils m'ont laissé partir au bout de 3 heures. D'accord, mais donc à ce stade, on sait toujours pas quel titre vous avez été retenu. Enfin, à l'imprimerie, on le sait, c'est une séquestration. Mais au commissariat, on sait toujours pas si c'était une vérification d'identité, un contrôle d'identité. Enfin, on sait absolument pas à quel titre vous avez été retenu au commissariat. Pas du tout. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est très étrange. Normalement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est vous entendre dans le cadre d'une audition et prendre votre plainte, hein, tout simplement. D'accord. Et tout le moins des infractions qui ont été commises. Et puis m'embarquer moi, qui suis censé être la victime, et laisser Monsieur Gignoux tranquillement dans ses locaux, c'est très curieux. Quand vous m'avez exposé les faits, je vous ai invité dès le lendemain à aller porter plainte au commissariat qui était près de votre domicile. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a eu aucun problème, que votre plainte a été prise de manière, enfin sans difficulté. Et moi, de mon côté, je transmets cette plainte au procureur de la République pour qu'une enquête soit diligentée, pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé et déterminer les responsabilités, les infractions qui ont été commises, puisque il apparaît évident à ce stade que de nombreuses infractions, et pas des moindres, ont été commises contre eux. Sachant que contrairement à l'affaire qui m'opposait au garde du corps de Besancenot, qui m'avait mis un coup de tête avec son casque et ça avait été filmé, et la personne est identifiée par les services de police, mais malgré cela, l'affaire a été classée sans suite. Sur cette affaire-là, pour éviter que l'affaire soit classée sans suite aussi facilement, on va se constituer partie civile, maître. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. En fait, je transmets la plainte que vous avez déposée au commissariat au procureur de la République de Créteil. Et donc, ça fera courir un délai de 3 mois. Et donc, dans cet intervalle de temps, soit le procureur fait l'enquête et diligente les services de police pour que soient interrogés les uns et les autres, c'est-à-dire vous, monsieur Gignoux et les deux personnes qui étaient avec lui. Auquel cas tant mieux, ça veut dire que le procureur fait l'enquête. S'il ne le fait pas, à l'issue de ce délai de 3 mois, nous constituons partie civile, un juge d'instruction sera désigné, et lui aura l'obligation de faire l'enquête, il délivrera une commission rogatoire aux services de police, qui interrogeront les uns et les autres pour déterminer les responsabilités, les infractions commises. Et moi j'ai rendez-vous dans 15 jours avec un médecin de la police pour essayer d'évaluer les retentissements psychologiques que j'ai eu, parce que c'est quand même une séquestration avec violence. Tout à fait. Et les menaces n'ont pas été retenues par le policier du commissariat. Il me disait qu'en fait, les menaces étaient moins graves que la violence. Comme il y a eu la violence, il n'y a pas les menaces. À ce stade, encore une fois, il y a vos déclarations, il y a ce que la police en retient. Et puis, dans le cadre d'une confrontation et des auditions des uns et des autres, on déterminera plus précisément les infractions qui correspondent aux faits qui ont été commis. Et s'il y a eu des menaces, on retiendra aussi des menaces dans les chefs de prévention. Il n'y a pas de raison de les oublier parce qu'il y a eu plus grave. Okay. D'accord. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est élargir la question et venir au pourquoi de cette volonté brutale de ce vieux monsieur que tu fasses un travail de journalisme. Et c'est vraiment lié à l'affaire du Front National, il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équivalent de M. Gignoux au Front National, qui est M. Chatillon, est accusé d'escroquerie pour des pratiques de prestataires imprimeurs qui sont à la lecture de la défense de son avocat, là, c'est ça, Varro, totalement dans les règles, mais la vérité c'est que si Monsieur Chatillon est mis en examen et accusé d'escroquerie, alors au moins ce monsieur, là, ce professeur du Parti Socialiste, devrait l'être aussi. Et je pense que c'est ça le fond du problème. Ce qui permet de réaliser quelque chose que nous vivons aussi nous, c'est qu'aujourd'hui le pouvoir politique, en l'occurrence bon, c'est le Parti Socialiste, se sert de l'institution judiciaire pour mettre en examen, persécuter et gêner dans leur travail des prestataires. Donc des prestataires notamment qui a le statut de, on dit imprimeur, hein, c'est entre guillemets. Un juge d'instruction finalement se fait le complice du politique pour persécuter quelqu'un, sachant très bien que c'est de la pure persécution politique et que il n'y a pas de traitement égal, quoi. C'est un peu ça le fond du problème, hein. Ça rejoint un peu ce que je subis moi quand je suis comment c'est quoi le terme, c'est comparution directe, c'est ça, citation directe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait le politique demande au judiciaire de persécuter quelqu'un en sachant qu'il n'y a pas de dossier, simplement parce qu'il y a le relais médiatique, ce qui fait qu'après on lit dans la presse que vous êtes mis en examen pour escroquerie, et c'est répété ad nauseum afin de diaboliser et de cramer quelqu'un, notamment Frédéric Chatillon, qui a été obligé de s'expatrier en Italie, hein, tellement il subissait de perquisitions, etc., etc., sachant qu'à la fin il n'y a rien dans le dossier, qu'il est strictement dans les clous, dans la norme, et qu'à la fin, simplement, dans 2-3 ans, ou je sais pas quoi, bah, il sera blanchi, mais que là, on n'en parlera pas. Et moi, je subis, par exemple, la même chose avec l'affaire Binti. On prétend que j'aurais harcelé une mannequin, que j'aurais fait des injures racistes et des choses comme ça, et je me retrouve au tribunal de façon totalement abusive. C'est simplement pour me salir médiatiquement, parce que les gens entendent, mis en examen, harcèlement, je sais pas trop quoi. Et alors qu'en fait, moi, par exemple, je suis victime d'une affaire Valbuena, c'est-à-dire une tentative de chantage sur une photo, et un échange de SMS sollicité. Et je crois que c'est ça en fait, si on veut élargir l'affaire, effectivement, et le scandale, c'est un, l'impunité de certains et leur pratique hors la loi depuis des années, et deux, la persécution de quelqu'un qui fait le même boulot et qui le fait d'ailleurs de façon beaucoup plus dans les règles, pour handicaper politiquement un parti. Et c'est là où ça correspond à ce qui se passe en ce moment. C'est la fin de la séparation des pouvoirs, et c'est de plus en plus l'institution judiciaire qui est mise à contribution par le politique pour nuire à des concurrents politiques de manière totalement, j'ose le dire, abusive, pour pas dire illégale. Hein. Je sais pas si Julien peut compléter. Oui, tout à fait. Donc, Alain Soral faisait référence à ce qu'on appelle l'affaire Riwal, relative donc aux poursuites du micro-parti Jeanne qui gère donc certaines élections du Front National. En l'occurrence, Riwal avait géré les élections présidentielles, notamment l'imprimerie pour les élections présidentielles de 2012 de Marine Le Pen, et donc aujourd'hui poursuivi son directeur Frédéric Chatillon pour en gros surfacturation, pour faire simple, c'est-à-dire qu'on lui reproche de ce que nous avons pu découvrir, une pratique qui est tout à fait courante dans le monde des, entre guillemets, une fois de plus, imprimeurs de partis politiques, puisque comme l'a dit Alain Soral, on est face à des prestataires qui ont en fait tous des sous-traitants. Donc on lui reproche premièrement des surfacturations. Je vous expliquerai qu'en fait c'est la règle de tous les imprimeurs aujourd'hui, donc aussi de monsieur Yvan Gignoux et des productions graphiques européennes, son entreprise, hein. Je vous rappelle tout à l'heure les chiffres de marge qu'on a deviné à partir de son résultat. Aujourd'hui, on reproche aussi à Frédéric Chatillon, en plus de la surfacturation, Monsieur Frédéric Chatillon est poursuivi, ainsi que son entreprise, pour tout simplement l'intituler d'imprimeur, qu'on lui reproche, l'accusant de n'être qu'un simple prestataire ayant des sous-traitants. Voilà. Or, aujourd'hui, une fois de plus, c'est la règle, hein, on l'a vu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec dans le cadre des productions graphiques européennes de M. Yvan Gignoux, hein, qui a clairement donc déclaré aux Parisiens travailler avec 8 imprimeurs, pas moins. Donc pour revenir sur l'affaire Riwal, le problème des surfacturations aujourd'hui auxquelles on assiste dans le cadre des élections, alors pas seulement des élections présidentielles évidemment, c'est que l'État, donc dans le cadre d'arrêtés interministériels, donc les arrêtés interministériels qui concernent le ministère de l'économie, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Budget principalement, ces trois ministères, à l'occasion de chaque élection, donc je vous donnerai des exemples assez précis, donc font parvenir aux candidats donc l'arrêté interministériel qui détermine les tarifs maximaux de remboursement des frais d'impression, c'est le terme exact. Donc ils sont très clairement mentionnés à chaque élection par ces arrêtés et ils permettent donc de déterminer pour les imprimeurs les tarifs qui vont pouvoir facturer aux candidats. Oui, c'est un plafond, c'est-à-dire ils doivent se conformer à un plafond qui est une somme maximum. Exactement. Et ils font tous la même chose, c'est-à-dire que ils demandent le remboursement du plafond, hein. Bien sûr. Et ils le font tous, voilà. Et là, il est reproché à Chatillon et à lui seul d'avoir pratiqué le plafond et donc une trop grande marge, alors qu'il n'y a pas de loi sur la marge, hein. Avec une remarque, c'est que quand vous êtes imprimeur, par exemple du Front National, c'est tous les médias le disent et vous perdez 80% de votre clientèle civile. Vous voyez, normal. Donc il y a une raison aussi que les imprimeurs politiques aient droit à une marge importante. D'abord parce que ce sont des coûts qui se font rarement et qui ont un énorme coût par ailleurs en termes de clientèle souvent. Ça vous aliène beaucoup de gens. Donc en fait, il est reproché en fait deux choses à Chatillon. Il est poursuivi par Van Ruynbeek pour ça, d'avoir pratiqué des marges trop importantes alors que on ne peut pas lui reprocher ça. Et deuxièmement, ne n'êtes pas imprimeur. Or, il n'y a pas tous ces gens-là sont des prestataires qui produisent en plus, Chatillon produit tout un matériel de campagne, les photos, les affiches, le graphisme, etc. Ce que je n'ai pas vu chez Gilles. Il n'a pas de machine à imprimer. Et on imagine bien quand on voit qu'il faut imprimer 55 millions, par exemple, de trucs, il sous-traite. Et il faut savoir en plus que Gignoux, lui, jusqu'à il y a peu, sous-traitait en plus en Belgique. Alors que le front s'enorgueillit d'imprimer entièrement en France. C'est-à-dire qu'en fait, Chatillon est persécuté, poursuivi et accusé d'escroquerie par Van Ruynbeek pour des pratiques qui sont totalement autorisées, hein, c'est-à-dire se conformer au plafond, la marge n'est pas discutable, et avoir le droit de n'être pas imprimeur stricto sensu. Hein, voilà. Et en fait, Gignoux ne voulait pas effectivement qu'on puisse dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il pratique des marges encore supérieures, hein, puisque le rapport entre son plafond et le coût est encore, le différentiel est encore plus grand, et qu'il n'est pas plus imprimeur que Chatillon, il y a même encore moins, parce que Chatillon a au moins une agence de communication qui fait tout un travail de création. Il était même d'ailleurs l'acheteur du papier, hein, Chatillon. Et que donc, la vérité, c'est que pourquoi Van Ruynbeek s'acharne sur Chatillon sachant tout ça, et pourquoi si on s'acharne sur Chatillon sachant tout ça, on ne va pas mettre en examen et accuser d'escroquerie au moins le monsieur Gignoux, là, et voir tous les autres. Et c'est ça le nœud de l'affaire, voilà. Et tout ça, je vous ai expliqué pourquoi. C'est pour persécuter dans sa vie quotidienne un type qui travaille notamment pour le Front National, donc pour gêner en fait le Front National en dehors du combat politique, c'est pour salir la réputation d'un homme, sachant que il sera probablement blanchi à la fin, mais que le travail aura été fait parce que les médias se font un plaisir de relayer systématiquement à charge et jamais dans l'autre sens quand la personne est blanchie. Rappelez-vous avec Dieudonné, quand on a prétendu qu'il faisait de l'évasion fiscale alors qu'il investissait une partie de son argent dans son pays d'origine, ce qu'il a le droit de faire. Et quand on prétendait qu'il avait des fonds occultes, alors que simplement étant interdit de compte en banque, il était obligé de mettre sa trésorerie dans un coffre en attendant de savoir où la mettre. Vous voyez ? Donc c'est toujours la même stratégie. Le politique qui se sert du judiciaire pour salir grâce aux médias, voilà, en sachant qu'à la fin il ne reste rien. Voilà, et là, je crois qu'on a touché le fond de l'affaire. Mais qu'en revanche, si on admet que Chatillon est poursuivable, alors comment se fait-il que Gignoux, lui, ne le soit pas. Et là, c'est la différence incroyable de traitement, effectivement, qu'on constate toute la journée, où telle personne a le droit de dire « ce sont les musulmans qui foutent la merde », et il est relaxé en disant qu'il n'a pas, par exemple, incriminé tous les musulmans. Et quand un autre va dire « il y a des juifs qui posent problème », on va lui dire, il va être immédiatement condamné et surcondamné en disant, bien évidemment, « vous faites l'amalgame », vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de très inquiétant, et c'est là-dessus qu'il faut, je dirais, élargir le débat, c'est qu'il n'y a plus d'indépendance de la justice, et ce qui fonde soi-disant la démocratie, l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Or là, on a vraiment une institution judiciaire qui est mise à contribution et qui va au tapin en toute connaissance de cause. Voilà. D'ailleurs, là, on a encore un exemple avec cette affaire, puisque si nous-mêmes nous avions fait ce que m'a fait M. Gignoux, j'imagine, Maître Drissi, que Alain Soral aurait été embarqué, menotté à la seconde suivante, et que Égalité et Réconciliation aurait été dissoute immédiatement, alors que là, en fait, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Enfin, malheureusement, les médias n'en ont pas parlé. Je suis malheureusement contraint de partager votre avis. Effectivement, je pense que si Alain Soral ou Égalité et Réconciliation s'étaient livrés aux mêmes méthodes, je pense que ça serait pas passé exactement de la même façon. Ça serait dans tous les médias le lendemain, voit à chaque fois. Cela dit, on a déposé plainte, on va transmettre la plainte au procureur et on fera le nécessaire pour que les poursuites soient diligentées. Et on tiendra évidemment informé aussi bien les auditeurs de RFM que les lecteurs du site des suites de la procédure pour s'assurer que tout se passe normalement et comme ça devrait se passer pour tout le monde. Très bien. Maître Drissi, Alain Soral, Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, je vous annonce que le dimanche prochain se tiendra à Marseille un débat sur le récentisme entre Claire Colombie et Laurent Guyenot. La section Marseille d'Égalité et Réconciliation vous y attend nombreux. Enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes du pianiste Stéphane Blay. Son album est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Chopin, la valse, opus 64, numéro 2. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.